Hubert, Thibaut, venez vite voir. Que se passe-t-il, docteur Fils? Grâce à mon faisceau ultra-laser à tête nucléaire, j'ai pu subfusionner la matière bionique multisoupape que j'ai ensuite décompressée à très haute température pour isoler ensuite ces quelques grammes de matière que voici. Waouh! Mais qu'est-ce donc que cela? C'est le podcast de loisirs numériques! Bonsoir à tous, le podcast de loisirs numériques numéro 9, c'est parti, ce soir on part en vacances. Alors on s'est permis, on a fait un truc bateau, on fait le top et les flops de cette année scolaire. On est parti, à tout de suite. Donc bonsoir à tous, bienvenue pour ce numéro 9 de podcast du loisir numérique. Du podcast de loisirs numériques, ce sera plus simple si je mets les mots dans l'ordre. Ce soir, je suis entouré d'une team, une type de fidèles qui était déjà là au dernier numéro. Je suis avec lui, Philippe. Bonsoir tout le monde. Akeron, voilà, comment tu vas? Ça va? Comment ça va, les gens? Écoute, ça va parfaitement. On est aussi avec Donny Jeep, hein, le fameux. Bonsoir. Un peu timide, il ne veut pas parler ce soir. Ça va? Non, je suis payé au mot et en fait comme je suis pas payé, ben voilà, je parle pas. Ah non, bah non, c'est entièrement bénévole ici, de toute façon, tout c'est bien. Non mais oui, mais bonsoir, ça va bien. C'est même nous qui payons, donc... Ouais, c'est même nous qui payons pour faire le podcast, tu vois, ça en plus, tu vois. Donc sinon ça va, pour pas répondre à la question. Ouais. Et bien sûr, on est avec Gérald aussi, comment ça va Gérald pour ce soir? Salut, ça va, c'est bientôt les vacances ce soir, comme quoi même Loisirs Numériques c'est mieux qu'ailleurs, on est en vacances avant les autres. C'est ça, on est en vacances le 31 mai chez Loisirs Numériques, c'est magnifique. Et moi, bien sûr, je me présente, hein, je suis Florent, ou Darkoubi, @Darkoubi sur les internets. J'ai oublié aussi de dire que Louis-Philippe, vous pouvez le voir sur Twitter, c'est @LP_Akeron, évidemment, si je ne me trompe pas. C'est ça. Gilles, alias @DonnyJep, et Gérald, évidemment, avec le meilleur compte Twitter de la Terre, @GéraldRenaud. Et oui, prénom, voilà. Voilà. Comme ça, on fait pas plus simple. Comme ça, voilà. Alors, ce soir, voilà, pour vous expliquer, ce soir on va faire un petit, comme on part en vacances, en fait un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu, à cause de petits trucs personnels, hein, des changements de vie, etc. On part en vacances plus tôt, on reviendra normalement, si tout va bien, au mois d'août, normalement. Peut-être un truc au mois de juillet, on verra, on prépare peut-être un truc surprise, on peut encore rien vous dire, mais si ça se fait bien, pourquoi pas au mois de juillet faire un podcast, on verra ça. En tout cas, ce soir on est parti, alors il y a une grosse actu, je donne. On va parler de ça tout de suite, mais avant, je balance un petit jingle quand même. Alors oui, la grosse actu de loisirs numériques, je peux en parler, même si on ne devait pas trop en parler, mais comme c'est le dernier podcast, j'ai vu avec les membres du conseil, ils m'ont dit « tu peux en parler ». C'est que JeDonne, donc notre brocante solidaire, lance un Ulule, un financement participatif, évidemment. Donc, évidemment, je rappelle un peu JeDonne. JeDonne, c'est une brocante solidaire qui donne accès à des jeux vidéo à bas prix pour tout le monde et pour toutes les bourses. Les fonds récoltés, donc sous forme de dons, on rappelle, hein, vous faites un don, en échange, vous avez un jeu. Donc, tous ces dons récoltés vont aux offres caritatives pour aider ceux dans le besoin. Et aujourd'hui, le projet JeDonne a besoin de grandir, a besoin de se développer pour prendre plus d'ampleur et aider encore plus de monde. Donc, Loisirs Numériques a lancé un financement participatif sur le site ulule.fr, si je ne dis pas de bêtises, ou .com. .com, voilà. Ulule.com. Vous pouvez y aller, de toute façon, c'est ulule.com/JeDonne et vous arrivez dessus. Donc l'objectif, c'est simple, on ne demande pas grand-chose, on demande de 600 euros, de réunir 600 euros pour pouvoir faire un peu ce qu'on appelle des trucs publicitaires. Enfin, je ne trouve pas le mot exact, mais c'est pour faire des kakegomonos, des flyers, des choses comme ça. Des choses, vu qu'on est une association, on n'a pas les sous pour pouvoir les payer. Bah, c'est pour ça qu'on fait le Ulule, pour pouvoir un peu... Voilà, pouvoir communiquer sur cet événement à chaque fois qu'on en fait. Si je dis pas de bêtises, on en fait environ 5 ou 6 par an. 4 déjà, on en a fait cette année. Donc il y en aura peut-être même sûrement plus que 6. Donc voilà, donc n'hésitez pas, rendez-vous sur le ulule.com/je donne. Donc n'hésitez pas à partager le lien à vos collègues, à vos amis, à la famille, ainsi que tous ceux que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Allez-y, on a besoin de l'argent, voilà, c'est ça. Donc LDR qui nous met le lien sur le chat, c'est ulule.com/je-donne. J'avais oublié le petit tiret. Voilà. Donc on compte sur vous, on a besoin de cet argent pour aider les gens. Si vous même 1 euro, 2 euros, ce sera grandement remercié. Donc voilà, on compte sur vous. Et aussi, on rappelle, je rappelle aussi, petit message, je rappelle que le 12 juin au soir, on se donne tous rendez-vous au Bellucci's. Hein, Akiron, toi, 13. Tu vas peut-être pouvoir. Le 13, autant pour moi. Ouais. Akiron, pour revenir sur le jeu... qui t'occupe de ça, un peu. Ouais, mais pour revenir sur le jeu d'on avant, on est à la Republic of Fighters le week-end, justement, du 11-12. Ah, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à passer. Oui, c'est pour ça que tu mélanges les deux. Ouais, c'est ça, les dates. Là, en 3 jours, il y a 2 événements en 3 jours, c'est pour ça. Republic of Fighters, il faut le rappeler, qui est à l'école 42. Hein, l'école 42, c'est sur la ligne 13. C'est par quoi déjà, je sais plus. Mais enfin, C'est pas loin de la porte de Clichy. Ouais. Voilà, donc on sera là à Republic of Fighters. En plus, Republic of Fighters, c'est toujours une bonne ambiance. Il y a des bons joueurs de jeux de baston français. Voilà, et après t'annonçais donc pour le 3. Chief. Donc c'est la soirée du 13 juin, la soirée où les plus grosses conférences, enfin en tout cas les plus importantes, seront diffusées sur les internets mondiaux. Et donc Loisirs Numériques organise la soirée Games Night donc au Bellucci's de Gare du Nord à Paris, et le concept c'est de se réunir tous ensemble dans ce bar, dans une salle privatisée, pour suivre les conférences. C'est Gare du Nord même, 5 minutes en sortant, tout de suite, il y a quasiment juste à traverser la rue, on y est. D'accord, ok, cool. Et donc voilà, se réunir dans cette salle pour suivre les 3 conférences de Microsoft, Ubisoft, Sony. Donc ça veut dire qu'on sera là jusqu'à 5h du mat, voire même un petit peu plus pour le rangement, etc. En plus de ça, on aura des bornes en accès libre sur lesquelles vous pourrez jouer. On vous prépare plein d'animations, des petites choses comme ça. Donc venez nombreux. Il y aura des débats aussi après les conférences, évidemment. On pourra discuter autour d'une bière sur la conférence qui vient d'avoir lieu. N'hésitez pas à chercher sur le LOASO, sur le Eventsbrite, donc Games Night, pour vous inscrire sur les conférences, les tournois, les animations, etc. Voilà, en plus l'entrée est pas chère, donc on vous attend nombreux, ça va être la bonne ambiance. Réduction sur les boissons. Voilà, ça va être la bonne ambiance, on vous attend nombreux, n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas trop jeux vidéo, c'est l'occasion de passer une bonne soirée et de s'amuser et de parler un peu de ce sujet qui nous intéresse. Parce que le 3, voilà, c'est quand même la plus grande conférence au monde tous les ans. Voilà. Donc, voilà. Donc si vous n'avez pas envie de rester tout seul devant votre écran ce soir-là, c'est ça. Si vous n'avez pas envie d'être sur les Twitch des sites de jeux vidéo où il y a les trolls en continu sur Sony et Xbox et... sur Sony, Microsoft, Nintendo, etc. Venez, au moins, là, c'est la bonne ambiance. Il n'y aura pas de troll, on vous le promet. Voilà. Bon, il est temps de passer au gros morceau de ce podcast, c'est-à-dire les tops et les flops de cette année. Donc oui, comme on allait partir en vacances, on a fait le truc le plus bateau de la Terre. C'est-à-dire, on va faire les tops et les flops de cette année vidéoludique. Mais on va compter l'année vidéoludique, on va compter ça en année scolaire. On a décidé de septembre à juin. Comme ça, voilà, c'est à peu près... on va pas faire l'année 2015. Aussi, on fait pas le début de l'année 2015. On va, voilà. À part si quelques jeux vous ont marqué. À part quelques titres. Voilà, s'il y a vraiment des jeux qui vous ont marqué, il faut vraiment en parler. Le premier jeu que j'ai envie de parler, parce qu'il revient dans beaucoup de vos tops, donc j'ai demandé à chacun évidemment des intervenants de me faire un top et des flops aussi. On va faire quelques flops. Et le jeu qui revient dans trois de quatre de nos listes, c'est MGS5. Donc Gérald et Louis-Philippe, vous l'avez mis dans vos tops. Et Gérald, toi aussi, tu l'as mis dans tes tops et dans tes flops. Et oui, je l'aime autant que je le déteste. J'ai balancé. Pour les mêmes raisons. Il a retiré de ses tops en plus. Oui, c'est vrai, tu l'as retiré de tes tops, tu l'as laissé dans tes flops. En fait, Il avait trop de jeux dans ses tops, et il a fallu qu'il fasse des choix. Donc, comme ouais, il donc tu l'as mis dans tes tops et dans tes flops. Et je tiens aussi à dire que moi aussi, il est dans mes flops MGS5. Donc, pour rappeler, donc, un jeu de Hideo Kojima, évidemment, chez Konami. Le dernier chez Konami, d'ailleurs. Voilà, qu'on a entendu. Je l'aime bien, ce Gérald, nous dit Azu. Bisous Azu, d'ailleurs, sur le chat. Salut Bruno, je t'embrasse. donc, oui, MGS5, donc, comme on le voit, MGS5, cette année, il a divisé. Donc, certains crient au chef-d'œuvre, d'autres crient au jeu de merde, hein, on peut le dire comme ça. Je ne sais pas ce que... Donc toi, Akiron, tu l'as mis dans des tops. Explique-nous un peu pourquoi tu as mis ça. Alors, déjà, pour resituer par rapport à mes tops et flops, j'ai quand même précisé que finalement, des jeux sortis de cette année, j'en ai pas fait des masses, hein, qu'il n'y en ait pas vraiment qui m'aient marqué, mais je peux pas les mettre non plus dans des flops, à part un sur lequel on viendra plus tard. Donc c'est pour ça que je le mets quand même dans mes tops, parce que déjà, je suis bon à la base fan de la série, et je m'étais mis en tête de faire l'intégrale de façon chronologique, ce qui veut dire que j'ai refait le 3 et Peace Walker juste avant, histoire de me replacer un peu dans le contexte. Et tu t'es fait les premiers aussi, Metal Gear 1 et 2 pas ouais, solides, ça, ouais, ça, je ouais. Les, ça, je les ai fait par la suite, là j'arrive au 4, etc. Mais pour ce qui est de MGS5, c'est surtout sur la partie technique, en fait, que j'apprécie. Parce que côté scénario, enfin, disons que MGS5 est un très bon jeu d'infiltration, mais pas un si bon MGS que ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Du fait du découpage du scénario. Alors, on est habitué à ce que ce soit très, très linéaire, façon MGS1, MGS2, dans une base ou un tanker, etc. Et le fait est que pour ce dernier épisode de Made in Kojima, il est passé sur l'open world, donc sur deux très grosses zones ouvertes, que sont l'Afghanistan et l'Afrique noire. Ouais. Afrique subsaharienne. Et le découpage du scénario se fait en petits épisodes, puisqu'il faut savoir que Kojima était très attiré par ce format épisodique pour son dernier jeu. Et c'est pour le coup, ce que je vais mettre dans les défauts du jeu, c'est que c'est tellement découpé qu'on sort vite de l'histoire. Tellement découpé même qu'on a un petit générique après chaque mission. Donc ça je trouve ça dommage. Par contre, c'est comme un épisode d'une série, quoi, à la télé. Ouais, c'est carrément ça. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est l'aspect sur les thèmes qui ont été utilisés. Bon, il y a les classiques vengeance et... Ouais, vengeance, parce que ça fait suite à... On va avancer un peu, parce qu'on a beaucoup de jeux à faire quand même. Je vais aller très vite justement sur ces points-là. Sur l'aspect des personnages, sur l'aspect technique, sur les moyens d'infiltration. C'est vraiment le gros point fort que je vais mettre sur ce jeu-là. C'est toutes les possibilités qu'on a sur le jeu. D'accord. Ouais, moi aussi je l'avais mis en flop, hein, comme toi, Gérard. Mais je suis assez d'accord sur en fait pourquoi tu l'as mis en top. Mais sauf que moi le problème, c'est que je joue pas à Metal Gear. Je sais que c'est un jeu d'infiltration, mais moi j'y joue pas pour l'infiltration, en fait. J'y joue pour le scénario. J'aime bien l'infiltration, j'aime bien le système de jeu, mais j'y joue pour le scénar en premier lieu, quoi. Les 1, 2, 3, bon, j'ai pas fait le 4 parce que j'avais pas de PS3, mais les 1, 2, 3, je les ai fait pour le scénar d'abord. Et là, le scénar, il est vraiment, vraiment pas bon. C'est mal fait. Au niveau du scénar, c'est surtout dû au découpage, je pense. Parce que t'as pas mal de références. On peut le dire, les Japonais, ils savent pas faire d'open world. Donc, clairement, ils savent pas faire un open world correct pour que ce soit bien et pour que ça te donne envie de rester dans le jeu. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans le flop. J'ai joué, j'ai joué 3-4 heures. C'est tout. 3-4 heures. Parce que après, j'en pouvais plus. Et tellement ça me gonflait, comment le jeu était découpé et tout, donc puis les personnages sont pas détaillés, enfin sont pas développés, la fin elle est arrulée en plus. Alors Hideo Kojima a brisé le quatrième mur en faisant ce jeu, il est fidèle à lui-même, mais moi j'ai hurlé quand j'ai vu la fin, quoi. Mais tu sens qu'il y a... Apparemment c'est ce qu'on m'a dit aussi, apparemment le jeu est pas fini en plus, donc c'est ça, apparemment. En plus, c'est des gros problèmes de développement. Une heure ou deux de jeu en plus, ouais. Voilà. Tu connais les problèmes de développement, ils ressortent clairement sur la fin du jeu, c'est dommage. Mais si vous avez lu Moby Dick et si vous connaissez les références, c'est bourré, et si on arrive à refaire le lien, ça donne un peu plus de consistance justement au niveau de l'histoire, etc. D'accord, donc MGS5, qui est comme dans les critiques, comme dans les joueurs, ici aussi dans le podcast, ça divise entre ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas trop aimé. Un autre jeu qui revient dans plusieurs listes, évidemment, on en a parlé il y a deux semaines, c'est Uncharted 4. Donc on va passer assez rapidement, hein, juste rappeler voilà, qu'il est sorti il y a trois semaines maintenant. Donc si vous voulez en parler, il est dans mon top, il est dans le top de Gilles, il est dans le top de Gérald. Donc ouais. si vous voulez, on a fait tout un podcast dessus, donc écoutez le podcast numéro 8. On en a parlé pendant une heure, donc on va pas s'attarder plus dessus. On a fait les points forts, les points faibles. Donc voilà, on passe rapidement sur Uncharted 4. Le prochain jeu que je vois dans la liste, c'est Gilles. Tiens, avec un jeu d'ailleurs que j'ai adoré, que j'ai pas mis dans mon top, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai trouvé excellent. C'est Firewatch. Et ouais, Firewatch, ouais, qui est sorti. Alors. Qui est sorti là en février, je crois. Il est sorti, ouais, voilà. 16 février, si j'ai bonne mémoire. Alors je me demande s'il était... Ouais voilà, parce qu'il est sorti aussi sur console. Alors apparemment quand il est sorti sur console, il était assez buggé. Moi je l'ai fait sur PC, j'ai eu aucun problème. Ouais non, il était un peu au niveau technique sur PS4, c'était pas trop ça, mais apparemment il y a eu des mises à jour et c'est mieux maintenant. Et Firewatch, alors le seul défaut qu'il y a, Firewatch, c'est pas un défaut, mais c'est qu'il me semble que pour l'instant il est quand... Alors il y a eu une team de traduction, mais quand il est sorti il était qu'en anglais, sous-titré anglais. Donc ça pas je crois encore jeux, qu'il dit qu'en anglais, ouais. Mais il y a une... Ouais. Il y a une version française qui va arriver, ouais, c'est sûr. Mais ouais, je sais qu'ils avaient fait ils avaient fait les... Parce que c'est un premier jeu, en fait. C'est un tout petit éditeur qui s'est lancé, qui s'appelle Camposanto. Campo Santo. Avec des... Alors, il y a des anciens qui ont bossé sur Gone Home. Il y en avait un ancien qui a... Il y a des mecs qui ont bossé sur Bioshock aussi. Donc, et donc, c'est un jeu qui a vraiment un cachet particulier. Alors, L'idée exceptionnelle. Voilà, une direction artistique qui est super, deux acteurs vraiment qui sont vraiment très très bons, parce que ça se joue beaucoup en fait à la voix, parce que finalement c'est... On peut le dire, j'en avais parlé dans une recommandation d'un précédent podcast, non mais c'était une recommandation donc j'avais pas parlé bien longtemps, mais on peut le rappeler, donc c'est l'histoire, c'est plus un walking simulator à faire quelques trucs, que voilà, faut aimer ce genre de jeu aussi. Pas grand chose à faire, mais moi je l'avouais, ça m'a touché à la fin, j'étais en larmes. Fin du jeu, j'étais moi pas loin aussi, parce que, et surtout il y avait, alors j'ai vu des critiques où les gens étaient déçus par la fin, et c'est vrai que la fin peut être déceptive, mais moi j'ai beaucoup aimé ce parti pris de jamais tomber dans la surenchère. Voilà, c'est un jeu le but du jeu, même si voilà, se balader dans le parc c'est quand même super beau, enfin franchement ça, même si c'est pas hyper grand, on nous dit, excuse-moi je te coupe, mais on nous dit sur le chat que c'est bon, les sous-titres français, espagnol, allemand et tout sont sortis. C'est comme ça. Donc c'est d'autant plus une occasion de le découvrir, parce qu'il se fait en 5 heures grosso modo, même en prenant son temps. Hein. C'est un jeu assez cool. Même moi en prenant mon temps, premier run, j'ai fait 3h30, 4h. J'ai pas trop speedé, hein, mais voilà. Donc c'est un jeu assez court, mais qui vraiment. On peut rejouer, mine de rien, parce que souvent les walking simulators, on les fait une fois, on kiffe ou on kiffe pas, et puis après, on les a finis, on n'y retourne plus. Mais là, c'est un jeu où on peut y retourner. Mine de rien. Ben oui, parce que je pense que c'est souvent aussi, c'est les jeux qui marchent beaucoup. Alors, comme tu l'as dit, c'est vraiment des jeux où faut aimer ce genre. Et c'est des jeux qui ils vont suggérer des choses, mais ils forcent jamais l'émotion en fait. Et c'est pas putassier dans le genre où ils vont te faire des scènes vraiment pour que tu pleures. C'est l'investissement que le joueur y met, et ça, on a le droit de pas y mettre. Hein, c'est pas une critique de pas s'y mettre. C'est exactement. Fait qu'on va on va y adhérer différemment. Et là, c'est un jeu qui parle vraiment. Donc, grosso modo, on joue un type qui a des problèmes dans sa vie conjugale, qui va devenir donc une espèce de lookout. C'est quoi ? C'est une espèce de gardien, enfin, d'un parc. On peut le dire. Il a eu des problèmes dans sa vie conjugale et sa femme est morte après. Elle est tombée malade et elle est morte. Donc, pour ce que Mais ça dépend de ce que tu choisis. Moi, elle est pas morte dans. Parce qu'il y a un prologue. Ouais, il y a un prologue. Moi, elle est morte d'une maladie et tout. Moi, elle est pas morte. Je savais pas ça. Il y a un prologue, parce qu'il y a un prologue où on choisit un système de choix. Ouais. Et en fait, moi, elle était vivante, mais elle était dans un institut. Elle est pas morte. Oui, non, autant pour moi. Oui, mais elle est genre supramalade dans un institut. Espèce d'Alzheimer qu'elle a, je crois. C'est d'Alzheimer, mais qui est assez dégénératif. Un truc comme ça, ouais, c'est ça. Et lui, il part faire le ranger. Le Firewatch, comme je dis, justement dans ses tours à surveiller s'il y a des feux de forêt, etc. C'est un garde de forêt, quoi. C'est un mec de l'ONF. Et donc notre seule interaction vraiment avec une personne, c'est par talkie-walkie avec notre boss qui est dans une tour, mais à l'opposé, on peut pas la rejoindre. C'est pas vraiment la boss, c'est notre collègue qui est dans la tour, la tour d'après, quoi. Qui vient souvent, qui a l'expérience et au début qui nous aide, qui nous dit. Il y a une relation qui se lie entre les deux personnes, etc. Ils tombent plus ou moins amoureux sans jamais se voir, en fait. Donc, mais, En fait, ça, tu peux choisir ou pas, en fait, en fonction aussi de ce que tu dis, parce que t'es pas obligé de tout lui raconter. C'est ça qui est bien à ce jeu, c'est qu'en fait, tu peux ne pas dire, tu peux mentir, tu peux éluder. Et c'est vraiment, et c'est un jeu, en fait, qui parle beaucoup de confiance, mais la confiance envers autrui et aussi envers soi-même, puisque le personnage va être amené à se demander si lui-même, en fait, il a pas des problèmes, si, enfin, voilà, il joue sur ce côté-là. Et c'est vraiment super intéressant. Ouais, donc on vous le conseille, vous conseille Firewatch, Gilles et moi. Moi j'ai adoré, j'ai pris direct, j'ai adoré. Donc, par contre, voilà, comme tu disais, Gilles, il faut s'investir dans le jeu, il faut s'investir dans les personnages. Si tu t'investis pas trop, t'es pas touché par l'histoire et donc. Voilà. Ce qui est normal, c'est pas un problème de pas toucher. Hein. Je veux dire, chacun ses goûts, mais c'est vrai que après tu vas trouver le jeu plutôt moyen si t'es pas investi. Dans je pense qu'on va vite s'ennuyer. Voilà, tu t'ennuies, tu vois. Bref, on avance, on passe à autre chose. Et ben, bon, on a fait MGS5, on a fait. Et Louis-Philippe, parce que il y a un jeu que t'as mis dans ta liste que j'ai été étonné de voir, parce que tout le monde a craché dessus. Ouais, c'est Assassin's Creed Syndicate. Tu l'as mis dans ta liste. Mais ça m'étonne pas. Et en fait, j'y ai repensé après l'avoir mis dans le top, mais c'est vrai que. Non, pas du tout. Non, mais en fait, je fais le comparatif par rapport à Unity qui a été encensé par la France et tout le monde a craché dessus dans la presse internationale. Et ça a été complètement l'inverse par rapport à Syndicate où la presse internationale a adoré et c'est les Français qui ont craché dessus. Et finalement, pareil, je peux pas le mettre dans un club. Tu relis ça par rapport au lieu du jeu alors Je pense que ça a joué. Il y a un petit côté chauvinisme comme on peut panier, mais. Et puis de toute façon, la France s'en prend On peut quand même parler donc un peu du jeu. Donc Syndicate, il se passe à Londres dans la Révolution industrielle, donc 1850, 1860, un truc comme ça. C'est ça, 1860. C'est ça. À peu près. À Londres. C'est le Londres victorien, mais c'est une époque que j'apprécie particulièrement. Après, je sais que j'y ai pas trop joué. Je l'ai testé un peu vite fait, donc je l'ai pas. Moi, je l'ai pas acheté. J'ai fait tous les Assassin's Creed. Moi, j'ai pas trop aimé. Hein. Et j'ai fait tout Assassin's Creed sauf celui-là. Et moi, le seul truc qui j'ai pas aimé dans ce jeu-là, après j'ai pas fait l'histoire et tout, donc je peux pas dire, mais au niveau gameplay, c'est le grappin. C'est le grappin. Je trouve que le grappin, ça pète le gameplay d'Assassin's Creed. Ouais, je suis d'accord. Normalement, un gameplay de tout en parcours, t'es sur les toits, tu cours partout et tout. Et là, t'as un grappin et ça nique tout. Pour moi, j'avais peur que ça me fasse le même effet et en fait non, j'ai pas eu ce ressenti là du fait que les bâtiments sont beaucoup plus hauts que d'habitude, les rues sont beaucoup plus larges que d'habitude aussi, donc du coup c'est plus fastidieux de redescendre, traverser, remonter, etc. Donc c'est une petite aide, c'est juste traverser plus rapidement et le truc qui m'a plus emmerdé par contre au niveau gameplay, c'est une fonctionnalité qu'ils ont rajouté spécialement dans cet épisode, ce qui est en gros le kidnapping où tu peux arriver derrière un ennemi, lui faire une clé de bras, et à partir de ce moment-là, tous les ennemis qui sont autour, à partir du moment où le gars que tu as capturé ne gigote pas trop, ils vont t'ignorer, ils vont faire comme si tu étais un gars lambda qui passe. Et du coup, cette fonctionnalité-là, effectivement, si on en abuse, quasiment tout le jeu, tu peux le faire comme ça, traverser toutes les zones sans te faire repérer, etc. Après, non, ça va, ça reste un Assassin's Creed dans la lignée des autres, avec ses qualités, ses défauts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénar, comme d'habitude. Pour le coup, c'est le premier assassin où tu vas pouvoir jouer deux personnages différents, puisque ce sont des jumeaux, avec chacun leur mission dédiée, on va dire. Donc, t'as Jacob qui va plus être sur la reconquête de Londres. Je parle juste la qualité du scénar. Est-ce que c'est Assassin's Creed 2 ou est-ce que c'est Assassin's Creed 4, quoi? Tu vas comprendre. C'est les deux extrêmes, tu vois. On est plus sur le 4 effectivement, du coup t'as quand même tes personnages qui ont une relation entre eux, qui vont pas être forcément d'accord sur leurs objectifs, ça va créer des petites tensions, etc. Donc c'est un petit peu plus travaillé que le 4, on va dire. Enfin, mine de rien, ce Assassin's Creed, c'est celui qui s'est moins vendu de toute l'histoire de la licence. Ouais, mais ça c'est dû justement à la déception qu'il y a eu par rapport à Unity. Je pense que la licence à en sortir un tous les ans, ça lasse les gens. Là, ils vont pas en sortir cette année, ils vont en sortir qu'en 2017. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Non, je pense que il faut poser un peu, revoir un peu leur base, revenir un peu sur un. Peut-être pas faire un reboot, mais faire un truc, tu vois, se reposer un peu. C'est surtout qu'ils sortaient plein d'épisodes entre les épisodes canoniques aussi, ça commençait à faire beaucoup. Spin-off et tout. On continue notre liste. Juste un petit truc à rajouter. Alors moi, je l'ai arrêté assez vite, pareil. Hein, je m'avais un peu déçu. Par contre, pour le coup, la meilleure idée d'Ubisoft, en plus d'arrêter, enfin de mettre en pause la saga, c'est d'avoir pris Austin Wintory pour la musique, qui est super belle. C'est vrai qu'on peut le dire, le gros point positif de Syndicate, c'est la zik. C'est le compositeur de Journée, Banner Saga, et franchement, c'est super. Écoutez-la sur Bandcamp, son Bandcamp et tout. Bizarrement, autant j'adore le compositeur, autant c'est pas les musiques que je préfère. Hein, tu vois. D'accord. On continue nos listes, hein, on avance hein, toujours. Il y a un jeu qui revient dans plusieurs listes, dont la mienne. Et dont la tienne, tu l'as enlevé de ta liste, tiens, Gilles, Gérald, tu l'as mis dedans, mais elle est dans la mienne et elle est dans celle de Louis-Philippe, c'est Grim Fandango, le remaster qu'ils ont sorti. Je l'ai associé à Death of the Tentacle. Ah oui, tu l'as mis avec Death of the Tentacle, je suis assez d'accord avec toi, on peut mettre les deux en même temps. Bah oui, on peut mettre les deux, de toute façon. Voilà, c'est deux jeux des années 90, oui, ouais. Ça doit être 92 ou 13... 93, c'est ça. Et 98 pour Grim. C'est ça, ce que j'allais dire, 97 ou 98 pour Grim Fandango. Donc, des jeux de la grande époque LucasArts, sous le moteur Scum. Hein. Sûrement qu'un jour, on vous fera un podcast spécial sur les potes Eclipse, parce que moi, c'est un peu. Voilà. C'est mon genre de prédilection, on va dire. Donc, en gros, on va pas en refaire sur les jeux. Voilà, c'est deux gros jeux LucasArts à base de scénarios loufoques, d'énigmes farfelues, toujours très bons, toujours bien faits. Les remasters sont très cool. Nouveau graphisme, nouvelle musique. Tout a été refait. À part Grim Fandango au début, mais je crois qu'ils ont patché le jeu. Maintenant, ça va mieux. On vous les conseille. Voilà, si vous aimez les point and click et tout, c'est les deux gros point and click qu'il faut avoir absolument. Death of the Tentacle et Grim Fandango Remastered. En parlant de point and click, j'en ai mis un dans ma liste qu'aucun n'a fait. C'est un jeu indé. C'est pour moi peut-être le meilleur point and click qui est sorti. Il est sorti fin 2015. C'est Techno Babylon. Édité par Wadgetize. Si vous ne connaissez pas Wadgetize, c'est la boîte qui a fait aussi les... Ah merde, j'ai un trou. Qui a fait les... Ah ! J'ai un trou. Bref. Techno Babylon, donc, est fait par un studio sud-africain. C'est un point and click à l'ancienne, en pixel art, voilà, où on avance dans un univers futuriste, un peu à la Blade Runner, Total Recall, un peu dans ces trucs-là, donc où les gens s'évadent. Un peu aussi inspiration du livre Player One, je ne sais pas si vous avez lu ce livre. C'est un peu cette inspiration-là. Les gens s'évadent dans un monde parallèle, une sorte de réalité virtuelle. Il va être adapté au cinéma, normalement. Oui, par Spielberg. Donc Techno Babylon, je le recommande vraiment. Vous devez le trouver sur Steam. Je pense qu'il doit être à 12 ou 15 euros. Et puis, de toute façon, ça va être soldé comme souvent. Je le recommande vraiment. C'est pour moi le meilleur point and click qui est sorti depuis ces deux dernières années. Vraiment. Hormis les remasters qui ont été faits, qui sont des jeux géniaux, mais c'est des remasters. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau truc. Donc voilà, on contrôle trois personnages différents. Donc une fille qui passe son temps dans la réalité virtuelle, etc. Un flic et sa collègue. Et donc il y a des histoires de meurtres, d'attentats terroristes, de serial killers, etc. C'est vraiment excellent, l'histoire est excellente. Vous allez passer 10 heures, 12 heures dessus. Vous ne regrettez pas vos 15 euros. Techno Babylon, donc chez Wadgetize, c'est trouvable sur Steam. Évidemment, c'est que sur PC, c'est pas sur console, malheureusement. Par contre, c'est que en anglais. Je crois qu'il y a une fan trad qui est en train de se faire, mais je suis pas sûr. Donc il faut parler anglais, mais l'anglais est pas compliqué dans Techno Babylon, ça se fait bien. Alors, le prochain jeu, je vois que Gilles nous a mis Rise of the Tomb Raider. Dans sa liste. Ouais, alors je l'ai rajouté à la fin, celui-là. Enfin, je l'ai rajouté à la fin. C'est pas mon top ultime, en fait, de loin. Mais non, c'est un jeu que j'ai vraiment. Ouais, mais j'aime bien, tu vois. Je prends pas forcément dans l'ordre de vos listes, comme ça, tu vois, un peu. Le meilleur pour la fin. Rise of the Tomb Raider. C'est dans la veine du. Alors, j'ai jamais été un grand fan, j'avoue. Hein. Je n'étais pas un grand fan des premiers Tomb Raider, ça m'a jamais vraiment passionné. Et donc j'avais vraiment été très agréablement surpris. J'avais beaucoup aimé le reboot qu'ils avaient fait en 2013. Donc c'est Crystal. Il faut que j'arrête de faire l'accent anglais. Crystal Dynamics. Crystal Dynamics. Et donc Crystal Dynamics qui a fait ça en 2013. Et donc là, bon, ben c'est la suite. Alors ils prennent moins de risques. Hein. Ils ont amélioré, on va dire, ils ont amélioré les choses. On peut pas dire qu'ils aient fait des innovations. Ils restent quand même plus ou moins sur leurs acquis. Mais voilà, c'est le monde est vraiment vraiment cohérent. Alors je l'ai fait sur PC, ça, il faut dire que visuellement quand même ça tue, mais ça tue bien comme il faut. Que ce soit au niveau même des plans de caméra, de la photographie, des jeux de lumière. Donc voilà, c'est une très belle aventure. Ils ont même fait un peu d'effort sur le scénario. Bon, c'est pas encore les canons du genre. On a parlé d'Uncharted 4 la dernière fois. Bon, on n'est pas à ce niveau-là. Pareil pour les personnages secondaires qui ont pris un peu d'épaisseur. Parce que les premiers, ceux de 2013, étaient quand même super caricaturaux. Enfin, tous les personnages secondaires, c'était vraiment de... Ça ne va rien. C'est vrai. C'était ridicule. Bon, là, il y a un petit peu... Il y a quand même du mieux. Ils ont travaillé deux, trois trucs. Il y a encore pas mal de choses à faire. Mais voilà, c'est quand même une super bonne aventure. Et voilà, qui a une grosse machine ou une... J'allais dire une PS4, non, pas encore. Ah, une Xbox. Non, PS4 sûrement pour Noël. Oui, pour Noël, il y aura besoin de faire un peu d'argent. Donc, donc voilà, c'est vraiment, si vous avez aimé le reboot, voilà, c'est vraiment une très bonne aventure. Le personnage est vraiment intéressant et ça me tarde de voir ce qu'ils vont en faire au cinéma, puisqu'ils ont casté récemment Alicia Vikander, qui est une super actrice. Et ils ont et aussi un réalisateur. Vrai, ils vont faire un reboot cinéma de. Ouais, et le réalisateur, c'était un réalisateur, je crois qu'il est norvégien ou danois. Il avait fait un film, une sorte de survival en mer qui était vraiment bien, une sorte de série B, mais ultra bien fichu. Okay, et donc, ça me tente de voir ce qu'ils vont faire. C'est vrai que moi je ne l'ai pas fait celui-là, mais il me tente bien parce que j'avais fait le premier à l'époque sur 360 parce que j'avais pas de PS3, donc Uncharted, je ne connaissais pas. Et j'avais fait celui-là, j'avais pas mal kiffé, mais c'est vrai que quand tu compares à Uncharted, c'est quand même un petit peu. Ouais, après, c'est pas le même. Là, il y a du Uncharted, il n'y a pas de craft, là, il y a un peu de craft, il y a un peu de points d'XP, bon, c'est un peu différent. Est-ce qu'ils ont amélioré les énigmes des donjons? Parce que dans le 1, les énigmes c'était vraiment n'importe quoi. Hein. C'est mes deux bidons sur la balance là, comme ça. Je peux monter à la plateforme, c'est bon, j'ai le trésor. Ouais, alors ils ont amélioré, il y a un peu plus de choses à faire. Ça reste quand même, c'est pas non plus du. Toi, t'es fan de point and click, donc ils vont pas aller te faire allumer avec un papier chewing gum, un truc à la MacGyver ou à George. Parce qu'à la base, quand même, les premiers Tomb Raider, il y avait des vraies énigmes, des fois un peu des trucs un peu. Ouais. Se casser la tête, hein. Ouais. C'était même plutôt ça d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc là ils ont non, ça reste quand même quelque chose d'assez facile. On regarde, ça joue avec l'environnement, on regarde l'environnement, on comprend les choses. Par contre, il y a beaucoup plus de tombeaux effectivement. Ils ont chacun une identité très propre et donc ça c'est vraiment super bien au niveau de la direction artistique, encore une fois. C'est donc cool. Voilà, non, c'est à faire. OK. On continue. Gérald, tu nous as refait la même chose que tout à l'heure. Tu nous as mis Street Fighter 5 dans tes tops et dans tes flops. Bah ouais, parce que alors je trouve que le Street Fighter 5 est le meilleur Street Fighter, tout est parfait. Oula, qu'est-ce que tu nous racontes? Street Fighter 5, c'est le meilleur Street Fighter? Alors, mais t'as jamais joué à 3-3 toi ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a deux écoles, ok. C'est un très bon Street Fighter, mais dis pas que c'est le meilleur Street Fighter. Bah, il y a Bruno sur le chat, il va te tomber dessus, il va te casser les genoux, fais gaffe. Il va me casser la gueule. Non, mais en fait, je l'adore parce qu'il est, par rapport à Street 3-3, il est très accessible le 5 et on peut le développer. Ouais, non, je suis d'accord. Il est très carré. Par contre, il est dans mes flops parce que tout simplement, j'y joue pas depuis la sortie. Toi aussi, tu joues plus? J'y joue plus. C'est pareil. Je suis un joueur en réseau et avec les problèmes de réseau, pour moi, c'est impossible d'y jouer. Ça s'est un peu amélioré, mais il y a toujours des merdes tout le temps. Ouais. Quand ils font les mises à jour pour les nouveaux persos, ça prend une journée entière. C'est juste abominable. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de contenu, alors c'est pas grave. Voilà, non, j'allais le dire. De toute façon, le jeu a un excellent gameplay. C'est un très très bon gameplay, un très très bon SF d'ailleurs. Bruno le confirme sur le chat. Azu. Oui. C'est un très très bon gameplay. Après, il y a rien autour, quoi. Il y a rien autour du jeu. Il y a pas de contenu. Le en ligne, on a l'impression d'être revenu en 2004, quoi. À la préhistoire, carrément. C'est ça, on a l'impression d'être tous en 56K et tout. Enfin, ouais. C'est lamentable. Il y a un mois, ils viennent de mettre les modes défi, enfin, tu vois. Les modes défi, mais bon, après, sinon, il y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. Après, ça reste un jeu de combat. Après, il est bien, voilà, tu t'invites tes potes chez toi, tu prends un pack de bière et tu joues chez toi en local, ça se fait nickel. Mais c'est vrai que c'est chaud pour aussi online et tout, c'est vrai que c'est chaud. Ah ouais, je suis complètement démoralisé. Puis je vois le niveau des joueurs aussi qui progresse et puis moi qui stagne, quoi. Donc Je comprends tout à fait. Dommage. On peut le con... on peut... Enfin, moi je le comment? Merde, j'ai pas. Moi, je mange mes mots. tu le. Je le recommanderais, voilà, je cherchais mon mot, mais je cherche mes mots, moi, ce soir. Je le recommanderais, mais franchement, pas à 60 balles, quoi. Pas à 60 euros, quoi. Si vous le prenez, prenez-le à 30, 35. Franchement, c'est un très très bon jeu, un très très bon SF, comme on a dit, mais ça vaut pas le coup de mettre 60 balles là-dedans, quoi. Donc voilà. C'était Street Fighter V. On continue. Il y a un jeu qui m'interpelle dans la liste de Louis-Philippe. Mais vraiment. Je sais. Mais vraiment. Enfin, il y en a deux, mais il y en a vraiment un plus que l'autre. C'est The Order 1886. Allez, que t'as mis dans tes tops, quoi. J'accumule. Exprès pour se faire réagir. parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais, mais syndicate, ça suffisait. Parce que c'est non, vraiment... mais non. Ah non, mais là, il pousse le bouchon au top, tu vois. Moi, je vais soutenir Louis-Philippe en plus. De quoi? Moi, je vais te soutenir un petit peu, Louis-Philippe en plus. Bah oui, mais voilà. De toute façon, voilà, c'est ça. Mais pourquoi t'as mis The Order dans tes tops, alors? Dis-nous tout. Ben parce que j'ai finalement, même si il y a pratiquement rien dedans et qu'il m'a pris 5 heures, j'ai passé un très bon moment en le faisant. C'est pareil, je reviens sur la période historique qui est l'époque victorienne. Enfin, moi, c'est avec matinée un peu de steampunk et de fantasy avec cette histoire de. Oui, bah oui, bah, c'est ça, c'est une espèce de mélange de genres. Et finalement, voilà, j'ai été pris dans le truc. Là, pour le coup, je me mets sur le côté vraiment grand public et pas le côté gamer qui joue depuis 30 ans, mais voilà, le gars qui a pas le temps de jouer. Voilà, tu passes deux soirées sympas et voilà. Après, c'est le jeu que tu montres à tes potes pour dire regarde la PS4, regarde, bah, et hop, et les mecs ils saignent des yeux parce que c'est super beau, tu vois. Mais après derrière y a rien. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est. Ils auraient pu faire des trucs. Moi, je l'ai fait le jeu. Ils auraient pu faire des trucs tellement cool. La scène là dans le dirigeable et tout, ils auraient pu faire des trucs tellement ouf dans ce truc-là. Il y a des bonnes idées, mais tu sens que c'est pas exploité. T'as pas de moment épique en fait. Tu sens que c'est leur premier vrai jeu en fait. Oui, parce qu'il faut le rappeler, le studio qui a fait ça à la base, c'est un studio plus technique. De créateurs de jeux, c'est studio qui faisait des portages, qui faisait des trucs comme ça. C'est Ready Addon, eux ils s'occupaient de voilà. Ils sont plus occupés des portages de. Des portages et aussi de venir en aide à certains studios sur des côtés techniques quand il y avait besoin, développer sur PlayStation 3, etc. Des choses comme ça. Et c'est leur premier vrai jeu qu'ils ont développé eux-mêmes, faut le dire. Après les mecs, on voit la technique, ils maîtrisent, mais après le game design, ils maîtrisent moins. Voilà, c'est le reproche que j'ai à ce jeu. Par contre, Louis-Philippe, t'avoueras que tu y as joué à la sortie du jeu. Ah oui, non, mais là, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, j'y ai joué après, moi, j'ai fait plus tard. J'ai fait il y a un mois ou deux, là, je l'ai pas terminé, quoi. C'est dur. Enfin, pour moi, c'était trop creux, quoi. Tu sens qu'il est déjà dépassé, mais c'est vrai que quand tu fais à la sortie du jeu, bah voilà, je me suis racheté une paire d'œil parce que bon, c'est. Ah ouais, c'est vrai qu'il était. C'était le plus beau jeu de la PS4 quand il est sorti. Maintenant, il y a Uncharted 4 qui est sorti, qui est plus beau encore. Mais c'était le plus beau jeu de la PS4 quand il est sorti. T'as MGS5 qui est passé niveau photoréalisme qui dépasse The Order. C'est un jeu qui a été mal marketé aussi, puisqu'il était vendu comme un TPS, et puis finalement, c'est pas entièrement ça. C'est un TPS, mais en fait, c'est juste du TPS, en fait. C'est le problème, c'est... T'arrives dans une zone, t'élimines tous les ennemis, t'avances, t'arrives dans une autre zone, t'élimines tous les ennemis. L'univers et le background est quand même super cool. C'est comme si c'était une espèce de prologue à un jeu qui est pas encore sorti, qui sortira probablement jamais, vu l'échec, mais après... Ah non, il a marché, mais il a eu des mauvaises critiques, mais il a marché. Faut se rappeler qu'à l'époque où il est sorti, il y avait pas grand chose sur PS4 au moment où il est sorti, donc ça a marché. Au niveau des ventes. Dokaz avait 1€, moi je pense que ça, on peut passer un bon moment, voilà. On va continuer un peu dans notre liste, on va passer un peu sur Gérald qui nous a mis The Division. Donc The Division, on a fait un podcast aussi entier dessus. C'est un bon jeu à jouer avec des potes, donc on va pas en parler beaucoup plus que ça. Non. Mais je le note, il est dans ta liste. Mais pour moi, c'est le jeu de l'année de 2016, hein, devant Uncharted. Ah, c'est ton GOTY, toi, carrément. Oui, le GOTY, ah ouais. Oh, ah oui, oh, carrément, tu... Gérald s'avance. Tu le pousses sur la table, d'accord. Ah, mais surtout que c'est un jeu qui est entretenu, hein, donc c'est un mémo TPS, vous écouterez dans le podcast qu'on a fait dessus, mais là, c'est vraiment un jeu qui est mis à jour, l'intérêt est renouvelé, c'est vraiment... Moi, il faut que je l'avoue, avant, on jouait tous les deux avec Louis-Philippe et tout. Moi, en fait, j'ai joué 50 heures, je l'ai revendu, là. Parce que ça me gonflait, en fait. Bah, voilà. Tu viens de rater quelque chose, parce que là, avec la dernière mise à jour, ils ont renouvelé l'expérience du jeu. Et... Ah. Ouais. Bah, peut-être je le rachèterai. Je le rachèterai, on verra bien. On verra bien. De toute façon, les sauvegardes, elles doivent être dans le cloud ou un truc voilà, comme ça. Voilà, les sauvegardes, tu les as toujours. J'aurai toujours mon perso, c'est bon, c'est pas un souci. Ok, donc The Division, on a parlé, on a fait un podcast, c'est le podcast 7 ou 6, 7, si je dis pas de bêtises, dessus, on a fait un podcast entier, donc allez écouter ça si vous voulez, si vous savez pas ce que c'est. On va passer à ma liste un petit peu, parce que moi dans ma liste, j'ai mis NBA 2K16, évidemment. Je joue à ouais, évidemment, parce que quand on me connaît, je joue à tous les NBA 2K depuis le premier. Donc, de basket. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai mis NBA 2K16, on va pas trop en parler, juste que... Est-ce que c'est le meilleur? C'est le meilleur sorti actuellement. Il n'y a pas photo. C'est le meilleur qui est jamais sorti. Après, il y a des trucs un peu nasses dedans, genre le truc qui a été fait avec Spike Lee là, sur le mode carrière, c'est nul. On peut le dire, c'est nul. Ils avaient tout marketé là-dessus, franchement, c'est nul. Mais après, au niveau gameplay et tout, c'est excellent. La défense a été revue, c'est super. Le jeu, il est beau à tomber par terre. Enfin, c'est... Si vous aimez le jeu de basket, faites-vous plaisir, prenez-le. En plus, il est gratuit le mois prochain avec l'abo PS Plus sur PS4, donc faites-vous plaisir, téléchargez-le, c'est gratos. Faites-vous plaisir. Voilà, on va continuer. Il y a un autre jeu que Gilles a mis, que je suis assez d'accord avec lui, qui nous a mis Witcher 3. Mais tu nous as bien précisé, Witcher 3, Heart of Stone. Je pense que tu as mis ça parce qu'en fait, elle est sortie là, dans la période qui nous intéresse. Mmh. Et tu veux parler du jeu en général, quoi. Ouais, non, je voulais parler du DLC, justement. Ah, tu veux parler du DLC. À noter aussi, le nouveau DLC, il est sorti aujourd'hui, aussi. Exactement, et je vais le faire dans, je pense, 3 quarts d'heure. Dès qu'on a fini, tu vois, tu fonces sur ton PC, tu vas faire ça. Exactement, là, je suis en train de jouer en même temps, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Non, parce que non, le Witcher 3, on en a quand même, je pense, suffisamment parlé. Bon, pour moi, c'est le jeu de l'année avec l'autre jeu que j'ai mis, mais on en parlera plus tard. Et ouais. Non, là, je voulais parler de ce DLC parce que justement, il y a souvent quand même ce problème des DLC où on dit, bon, les Season Pass, c'est un peu du foutage de gueule la plupart du temps. Et CD Projekt, donc l'éditeur, développeur du Witcher, avec Hearthstone, a fait un DLC qui prend bien une bonne dizaine d'heures, qui coûte pas très cher et qui, vraiment, d'un point de vue narratif, je trouve que c'est même supérieur au jeu original. Alors, sans doute parce que. Peut-être pas, quand même, tu t'avances un peu. Au niveau de la narration pure, je pense que oui, mais c'est facilité par le fait que la carte est moins grande, puisqu'ils utilisent une portion de la carte, et donc l'histoire est plus resserrée. Tu parles peut-être plus de la deuxième partie de l'extension, en tout cas. Après le bateau, etc., sans vouloir trop spoiler. Parce que la première partie, c'est un peu Moyen-Âge, j'ai trouvé ça, quand même. Non, c'est une introduction, mais à partir du moment où ça se lance vraiment... Ouais, d'accord, ok. Et donc surtout, ils ont créé quand même des nouveaux... Alors, on retrouve un personnage qu'il y avait dans le premier Witcher, Shani, et qui est dans les livres aussi. On retrouve après deux nouveaux personnages qui sont vraiment super bien. Alors, il y a une espèce d'avatar de David Beckham, qui, je sais pas pourquoi, mais il ressemble... Voilà, c'est vrai, maintenant que tu me dis, il ressemble à David Beckham. Ouais, c'est assez fou. D'ailleurs, au début, je me disais, oh, bon, d'accord, pourquoi pas. Et surtout, un autre personnage, je vais pas dévoiler qui c'est, mais qui est super bien travaillé, qui est un des personnages les plus intéressants que j'ai croisé cette année dans un jeu vidéo, et qui est tout en manipulation, qu'on croise minutes au début du jeu. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire, qui n'est pas nouveau. Et on le voyait genre 5-10 minutes au tout début du jeu, avant le DLC, et on pouvait le recroiser à un autre endroit un peu planqué, vite fait. Et là, en fait, le DLC est centré sur lui. Oui, parce qu'il faut savoir que le DLC, il faut quand même être niveau, je crois, à peu près 30 pour pouvoir le faire. Je crois que c'est plus de niveau 30 si on ne peut pas aller le faire. Ouais. Et donc voilà, donc c'est super bien fait. Ils ont mis. Alors, il n'y a pas par contre de nouvelles cartes. Dans celui-là qui est sorti aujourd'hui, il y aura carrément une nouvelle map. Là, ça utilise des maps. C'est une nouvelle zone dans Heart of Stone. C'est pas une nouvelle zone, mais c'est une zone qu'on avait déjà, on pouvait pas y aller, elle a été étendue. Voilà. Elle a été étendue, mais c'est pas un nouvel univers en fait. Visuellement. D'accord. Mais contrairement à celle qui est sortie aujourd'hui. Donc, exactement, voilà. Moi je te pousse ça tout à fait, Witcher 3, bon, même si. Enfin, moi je l'ai pas mis dans mes tops parce qu'il est sorti il y a un an maintenant. Oui, maintenant donc, le jeu original, oui. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes tops, mais c'est vrai que c'est en 2015, c'est peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué. Donc je te plussoie totalement sur ton choix. Et la nouvelle extension a l'air de tuer tout, donc voilà. Apparemment 30 heures de jeu, enfin c'est voilà. Il paraît que c'est vraiment une conclusion. Ils se foutent pas de nous. J'ai hâte de voir aussi ce qu'ils vont nous faire pour Cyberpunk. On verra bien. Ouais. Sûrement plus de nouvelles à l'E3 d'ailleurs. Ok, bon, on continue, on avance dans notre top. Ah bah tiens. Il y a un jeu qu'on a mis, toi et moi, Gérald, dans notre top. Pour moi, c'est peut-être, je dirais, c'est pas mon GOTY de cette année-là, mais c'est un jeu génial. C'est un jeu. Ah bah, il est sorti en 2015, on peut dire que c'est le GOTY 2015. Alors moi, ça m'a. Ah non, c'est pas le GOTY 2015, mais c'est un jeu génial, quoi. Ah bah, pour moi, c'était une claque de l'ordre de quand on. Du même ordre de quand on découvre un nouveau genre de jeu vidéo, quoi. Moi, je me rappelle de quand j'ai vu la sortie de Resident Evil. J'ai pris une claque énorme et Parce que t'avais pas joué à The Dark avant aussi, c'est pour ça. Oui. T'es pas joueur de PC. C'est pour ça. Et non. Voilà. Ouais. Parce que sinon, si t'avais joué à Alone in the Dark avant, les chiens qui sortent par la fenêtre, tu t'aurais pas eu peur. Enfin bref. Ah bon? Oui, il y a la même chose dans Alone in the Dark. Ah. bref, ouais. Oui, Air Story, un jeu excellent, donc développé par un seul gars. Sam Barlow, ouais. C'est ça, qui a travaillé sur Silent Hill Shattered Memories. Mm-hmm. Un des meilleurs Silent Hill d'ailleurs en passant. Mm-hmm. On le dit. Et ça raconte l'histoire, en fait, c'est très simple, c'est une interface de vieux PC des années 90, un truc comme ça. Ouais. Où en fait, on a simplement accès à une base de données de vidéos. Ouais. Et on tape des mots-clés dedans, et à chaque fois, le problème, c'est que ça nous met 5 vidéos et pas plus. Donc, il faut chercher des mots-clés. On peut préciser que c'est une enquête policière. Oui, j'allais dire c'est une enquête policière. On revient sur une enquête. C'est pas vraiment une enquête. On voit des vidéos d'interrogatoire d'une femme. Exactement. Mais on mène notre propre enquête. On se fait notre propre idée sur le jeu. C'est ça qu'en fait, qui est excellent dans ce jeu. C'est que rien n'est dicté. Le jeu, il te dit jamais ce qu'il faut que tu fasses. C'est à peine s'il te dit comment il faut que tu joues. T'as juste un petit fichier README à lire. Il te dit tu mets ça, voilà. Et c'est à toi et jusqu'à la fin, c'est à toi de te faire ta propre idée de ce qui s'est passé, etc. C'est excellent. C'est vraiment un super jeu. Il était vendu pas cher du tout. Et là, en plus, à partir d'aujourd'hui, il est sur le nouveau Humble Bundle. Vous pouvez l'avoir à 1$ avec plein d'autres super jeux. J'ai vu 80 Days, Sorcery 1 et 2. Franchement, là, ils ont sorti un très bon Humble Bundle. Profitez-en là, pendant une semaine. Pour 400$, vous pouvez avoir 6-7 jeux excellentissimes. Donc voilà, Gérald et moi, on leur recommande un Air Story. Et juste par rapport à ce jeu, j'ai apprécié. Moi, j'ai dû ressortir un calepin pour faire ma propre enquête et écrire mes mots-clés, noter mes recherches, etc. Dans le jeu, tu as un truc avec un note aussi. Ouais. Oui, exactement. Mais tu l'as fait à la main, à l'ancienne. À la main, voilà. Ouais. Et c'est accompagné l'expérience, c'était enrichissant. J'ai pris plaisir aussi. À noter l'interprétation parce que donc c'est une seule actrice qui interprète les vidéos qu'on voit. C'est Viva Seifert. Elle est excellente dans le jeu. On va pas vous en raconter plus. Après, le jeu est assez court. Moi, je l'ai fait en une soirée, à peu près. Sherlock Holmes, quoi, c'est. J'ai dû commencer, je me souviens, je l'ai pris sur Steam un soir, j'ai dû commencer vers 20h, à minuit, minuit et demi, je l'avais fini, quoi. Donc, après, voilà, il faut bien écouter, il faut bien déduire, mais ça se fait bien. Faut spécifier que là aussi, c'est en anglais pur, je crois. C'est en anglais pur, mais c'est sous-titré. Après, avec un petit décodé d'anglais, ça passe. Ce qui est excellent avec ce jeu, c'est que c'est un des rares jeux où en fait t'en parles après. Peut-être t'as vécu une vraie expérience, t'en parles après IRL avec des potes, tu vois. Tu dis putain, j'ai fait ça hier. Ah ouais, et qu'est-ce que t'as pensé? T'es arrivé à quoi, machin? Ah ouais, et il y a un débat, il y a un truc qui s'installe IRL sur le jeu, quoi. Tu vis une vraie expérience qui t'amène à réfléchir. Et avoir des débats avec d'autres gens, quoi, sur ce jeu-là. J'ai rarement vécu ça dans le jeu vidéo, quoi. Moi aussi, ouais. À la limite, j'ai peut-être vécu un peu ça dans la littérature, en lisant des livres. Ça me fait un peu penser ça. On va continuer, on va avancer un peu, parce qu'il faut qu'on se bouge un peu. Louis-Philippe, on revient vers toi. Louis-Philippe. Ton dernier top. Le footer de merde. Non, alors après moi je l'ai fait, j'ai bien aimé. Bon, alors je vais le dire. Tu as mis dans ton top, tu as mis Until Dawn. Donc sur PS4, le jeu sorti sur PS4. Ouais, on rappelle qu'il y a une sorte de slasher movie interactif. Hein. C'est exactement ça. Il reprend tous les codes de films tels que Scream ou Souviens-toi l'été dernier. Et voilà. Donc, c'est une groupe d'ados qui se retrouvent dans un chalet perdu au fond de la montagne, comme d'habitude. On se demande pourquoi à chaque fois ils vont toujours se forer dans des coins paumés. Parce que c'est le chalet des parents de machin. Ouais, mais bon, enfin, je dis ça pas forcément pour le jeu, mais tous les films, c'est ouais, toujours le même truc. C'est le cliché du truc. Et donc là, c'est une bande d'ados qui se retrouve donc dans le chalet familial, et puis suite à une grosse bêtise, on a deux filles qui meurent, et un an plus tard, tout le monde se retrouve. Et il se passe des choses bizarres. On va pas raconter plus parce qu'après c'est spoilé. À noter que moi ce jeu au début me tentait pas trop et je l'ai fait en fait avec des potes. On l'a fait tous ensemble. On a fait tout le jeu en entier ensemble avec deux potes et avec des potes c'était excellent. Tu vois on était là genre ouais, parce que t'as des choix à faire etc. Ouais fais ça mais non fais ça et c'était à faire avec des potes c'est super. Pourtant c'est un jeu solo mais c'est rare mais un jeu solo à faire avec des potes quoi. Je le conseillerais. C'est marrant c'est parce que les slasher prenant, Les comme les slasher movie tu les regardes à plusieurs aussi c'est. Bah, c'est un peu ça tu les regardes avec des potes devant un truc avec ta copine sous le bras un bol de popcorn un coca c'était exactement ça tu vois. C'était exactement cette expérience là que j'ai eue, c'était excellent. On va avancer un peu avec un jeu, on va passer un peu, on est dans les flops. Un jeu qu'on a mis toi et moi, Gérald, dans nos flops, c'est Battlefront, Star Wars Battlefront. Ah ouais, putain, la déception. Oh non. Ah, je suis d'accord. Ah là là. Donc pas on rappelle qu'il est sorti, en novembre, si je dis pas de bêtises, novembre 2015, début novembre si je crois. Donc pour surfer sur la vague du film. Non, mars 2016. Ah non! Non, oui. Il est sorti pour le film, il est sorti pour Star Wars 7, il est sorti en novembre. Il est pas sorti en mars. Hein. Ah non, c'était pas la bêta plutôt, non? Ah non, il est sorti pour le film, il est sorti pour le film. Ça va être début novembre ou fin octobre, de mémoire. Enfin, ça n'enlève rien à la déception. Pour surfer justement sur la sortie du film au début décembre, tu vois. Donc, ouais. Oui, ça n'enlève rien à la déception, un jeu qui est magnifique. Donc c'est un Battlefield, c'est magnifique. C'est pour préciser, c'est un Battlefield à la version Star Wars. C'est ça, c'est un Battlefield avec un skin de Star Wars, quoi. Ouais, mais qui n'en a pas les sensations. Non. Aucune sensation sur ce jeu. Les jeux sont mous, les flingues sont mous. Ouais. Il se passe rien. L'Empire, il est ultra pété. Contrairement quand t'es dans la Résistance, ils sont super forts. C'est pas équilibré. Il y a pas de contenu. Ouais. Il n'y a pas de mode solo déjà, et il n'y a pas de contenu. Bref, c'est un jeu. C'est un jeu, tu l'achètes, tu dis ah, Star Wars, trop cool. Ouais. Tu sais, Battlefield, moi je kiffe Battlefield, je kiffe Star Wars, ah, trop bien. Tu l'achètes, tu joues 10 heures, tu le revends. Voilà, c'est. Ouais, mais c'est même pas un Battlefield. C'est à peine un Battlefield, quoi. C'est, ah ouais. C'est pas... Parce qu'il n'y a aucune tactique d'équipe, il n'y a pas de. Alors, ce qui est sympa, c'est que par moments, ce qu'ils ont fait, c'est que tu peux arriver, tu passes, il y a une sorte de petit token, là, tu prends, et hop, tu peux avoir Luke Skywalker, ou Dark Vador, ou machin. Ouais, c'est une feature, c'est intéressant. C'est une feature, vite fait, deux minutes, t'es Luke Skywalker et tout, c'est cool, tu vois. Ils ont fait, donc, les vaisseaux spatiaux, les ATT, tout ça. C'est sympa, c'est une skin de Star Wars sympa, mais après, le jeu en lui-même, il est très, très... À jouer pendant 2 heures, et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai joué une dizaine d'heures, et puis après, tu fais, non, voilà, c'est bon, au revoir. T'as fait le tour, quoi. Une fois passé le côté, c'est du Star Wars, c'est super beau, et voilà, tu t'arrêtes que vraiment à ce qu'est le jeu, et le jeu, il n'y en a pas, quoi, donc... Ouais. Voilà, c'est ça. Et comme on nous dit sur le chat aussi, il n'y a pas de combat spatial, quoi. C'est un jeu Star Wars, il n'y a aucun combat spatial. Donc, c'est un peu... Ouais, ça sera pour la suite, je pense. Ouais, je pense pas, ils vont faire... Ouais, pour l'extension à 40€. Hein. Non, apparemment, ils vont faire un autre Battlefront 2, enfin, je sais pas, apparemment. Enfin, bref. Ouais. On avance. Faut prendre Rogue Leader et Rogue Swarm. On avance, Gilles. Donc, Gilles, on passe à ton GOTY, Ultimate GOTY, alors. Avec le Witcher 3. Mais avec le Witcher 3. Donc Tales of the Borderlands, développé par Telltale, avec Gearbox. Nos amis de Telltale. Oui, d'ailleurs, amis de Telltale. Oui, parce que Telltale, on aime ou on n'aime pas. Et puis ils ont tendance à surfer aussi sur leur succès sans trop bouger des choses, non, genre leur moteur de jeu. Telltale, on peut pas dire qu'on aime ou on n'aime pas. On va dire que c'est un peu comme Platinum. Il y a un jeu sur deux qui est bien. Voilà. Oui, et ça tombe bien parce que justement ma déception de l'année, c'était de cette année aussi, j'en parlerai après. Donc l'avantage c'est que Telltale from the Borderlands, donc pour ceux qui connaissent la licence Borderlands de Gearbox, ils seront pas dépaysés par l'univers, mais en fait c'était un jeu qui rentre dans le canon hein, de Gearbox. C'était fait en partenariat avec eux et qui se passe après le Borderlands 2 justement. Entre le juste à la fin du jeu. C'est ça. Ouais ouais ouais. Et donc voilà. Et donc en fait, donc c'est la formule Telltale. Hein, c'est un jeu avec des choix. Il y a quelques vagues actions contextuelles à faire. Des choix qui n'ont pas vraiment d'importance au final. Alors, ils ont non, c'est toujours pareil. Mais en fait, ce qui est, la réalité, c'est qu'en fait, c'est pas le choix, c'est l'illusion du choix. Et ils ont certains jeux où ça fonctionne vachement. Ouais. Et du moment que l'illusion fonctionne, c'est comme les tours de magie, on s'en fout qu'on sache qu'on se fasse avoir, ça fonctionne. D'ailleurs, pendant qu'on y est, on va parler aussi de ton flop hein, que t'as mis. Ben oui, je vais faire un parallèle. On va faire les deux, voilà, on va faire les deux en même temps parce que dans ton flop, tu nous as mis Game of Thrones de Telltale aussi. Exactement. Et Telltale aussi, donc ils ont fait deux équipes séparées. Ils ont mis donc Game of Thrones, qui était un peu la grande licence qu'ils ont développée, et au profit d'ailleurs de Tales from the Borderlands, puisqu'il y a eu genre 3 mois entre les deux épisodes, assez épisodiques. Hein, les épisodes des jeux sortaient en même temps, quasiment. Ouais, mais. Les deux jeux sortaient. Genre, t'avais Game of Thrones, 2 semaines après t'avais Borderlands, 2 semaines après t'avais Game of Thrones, enfin c'était un peu. Voilà, et la qualité, c'est pas du tout la même, parce que là où ils ont maîtrisé toute la narration, alors les personnages déjà de Tales from the Borderlands, ils ont repris des personnages donc de la licence, mais ils ont aussi développé des nouveaux personnages qui sont vraiment frappadingues, enfin c'est un mélange de Mad Max, ouais, de Cowboy Bebop, de. On sent qu'il y a la patte Gearbox aussi quand même derrière qui était là pour. Oui, alors, mais justement, je pense qu'en fait, et j'avais vu ça dans une critique justement, ils disaient ouais, mais parce qu'ils doivent beaucoup à Gearbox, mais je trouve qu'en fait, l'écriture, l'intelligence en fait, et même les vannes, l'humour, qui est souvent quand même l'humour quand même bien bourrin dans Gearbox, drôle mais bourrin, là, ils ont vraiment fait quand même rajouter quelque chose de plus fin. Il y a plus de second degré, il y a plein de références. Ça peut aller du cinéma de John Hughes, donc les comédies pour les années 80 jusqu'aux films de science-fiction. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment à mourir de rire. Et c'est très dur de faire un jeu qui soit drôle tout le temps. Et ils arrivent même à mettre de l'émotion de temps en temps. Donc c'est vraiment une aventure assez fabuleuse, mais vraiment, donc, hein, je passe mes mots. En gros, donc Tales of the Borderlands, c'est le bon côté de Telltale. Exactement. Contrairement à Game of Thrones, quel mauvais côté de Telltale? Alors, ouais, alors là, ça pour comme le coup, ça. Ouais, l'illusion du choix fonctionne pas du tout, puisque là, c'est vraiment genre, si tu peux faire ce que tu veux, à la fin, tu vas morfler parce que c'est Game of Thrones, donc ils se sont dit, le but du jeu, c'est qu'en fait, ça soit toujours sombre. Ouais, donc, ils ont juste surfé sur le succès de Game of Thrones, c'est tout. Ouais, on va reprendre l'acteur qui fait Tyrion, on va reprendre l'acteur machin, on va reprendre leur voix, voilà, regardez, ils sont dans le jeu, achetez, quoi. Puis au final, ouais, il y a rien, mais surtout le gros défaut, c'est qu'en voulant l'inscrire vraiment pas dans l'univers, parce que même dans Walking Dead, ils ont voulu l'inscrire dans l'univers, c'est-à-dire qu'on croisait un ou deux personnages, mais c'était un univers assez vaste qui permettait de développer une autre histoire avec Clémentine et ce genre d'histoire. Dans Game of Thrones, ça se met vraiment, genre c'est entre les noces pourpres, ça commence aux noces pourpres, et après ça suit, et donc ça suit les séries. Et donc finalement, ils sont carrément bloqués au niveau de la narration par ce qui va arriver, c'est-à-dire que s'il y a un perso qui est encore vivant dans la série, on sait qu'il va pas mourir dans le jeu, et qui va te faire une crasse, genre le bâtard Bolton. Et donc finalement, ils ont fait une espèce de famille qu'ils ont créée, qui est une sorte de pseudo famille Stark. Donc c'est exactement les mêmes. Il y a la Sansa du jeu, la Arya. Enfin, c'est exactement à un personnage près. C'est les mêmes personnages. Donc finalement, il n'y a pas de surprise. Et à la fin, tout ce que tu as fait, tous les choix, eh ben n'ont aucune importance parce que c'était sur des rails. Et là, ils te le montrent clairement, contrairement aux autres jeux. Ouais, bah c'est donc, c'est une très mauvaise déception, ouais, c'est et je sais pas qui a fait l'équipe, mais cette équipe-là, je ne sais pas sur quoi ils ont bossé, mais c'est l'équipe qui a bossé après derrière là sur le très très mauvais aussi, le très très mauvais là qui sort Walking Dead. Sur Mission. Mission. Là, qui est très très très mauvais, très. Ouais, et très court. Alors que l'autre équipe de Tales from the Borderlands, c'est eux qui ont fait aussi jusqu'à présent. Pour moi, Wolf Among Us, etc. Et voilà, Wolf Among Us qui pour moi c'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur. Et Tales maintenant, c'est les deux meilleurs. Et c'est les mêmes équipes, donc il n'y a pas à photo. Ok, on avance. Donc logiquement, le Batman devrait être très bon. Si c'est eux, ouais. Ouais, c'est à voir. Après, c'est à voir comment c'est écrit aussi. Faut voir, tu sais, des jeux comme ça, faut voir le scénar, hein, surtout. Ouais, c'est Chorette. Le nom du mec qui dirige ces équipes-là, c'est Yves Chorette ou Pierre Chorette, je crois. Ouais. Donc alors, si c'est lui qui a la baguette. On avance quand même, on avance un peu. Gérald, on avance rapidement parce qu'on va être en retard après. Gérald, t'avais mis aussi Doom et Super Mario Maker dans ton top. Ouais, donc, tout à fait. À noter, bah, voilà, Doom, très bien. Là, on en a parlé aussi très bien dans première moitié, deuxième moitié un peu moins bien, mais si vous aimez Doom, vous allez kiffer. Allez-y, moi je te plussois sur ce choix. Tu as mis aussi. On est en train de m'effacer mon truc. Je ne sais pas. Donc t'as mis Mario Maker aussi. Mario Maker, très cool. Hein. Bah, c'est comme un fantasme qui se réalise. Hein. Quand moi, ça. Mon premier jeu à la maison, c'était Super Mario Bros. C'était alors, un peu, c'est un peu ton Gotti. Non, pas Gotti, mais pas Gotti, mais c'est voilà, c'est le choix de la nostalgie, quoi. C'est. Ok. J'y reviens avec plaisir, quoi. Ok, bah c'est cool, ouais. Moi, je voilà, ouais, ouais, je peux comprendre. J'ai des potes qui sont à fond dessus sur Mario Maker, je peux comprendre. Je ouais. peux comprendre. Après aussi, bon, rapidement, dans mon top, j'avais mis Life is Strange, des Français de Dontnod. Donc, affaire absolument pareil. Un jeu épisodique avec une héroïne qui peut manipuler le temps pour revenir en arrière avec des énigmes basées justement sur ces trucs. Avec une histoire sombre derrière, de tempête qui va tout détruire la ville. Une DA excellente. Un jeu qui vaut pas cher. Prenez-le, c'est excellent. Après, t'as mis le non-flop. Non, t'as mis. Oui, non-flop Star Fox Zero. Parce que ouais, tout le monde s'est acharné sur le jeu Star Fox Zero en disant que c'est de la ouais. vraie merde. Bah, ouais. Moi, je suis pas d'accord. Parce qu'ils ont raison. Ouais, bah. Après, je suis d'accord, c'est un jeu rétro, voilà, qui date d'il y a une dizaine d'années, on peut dire ça. Mais, c'est le meilleur jeu de la N64 sorti en 2016. Ouais, exactement. Mais il n'y a pas que Star Fox Zero qui fait ça, si vous regardez bien toutes les sorties de jeux vidéo. Et moi, je. Enfin, alors, déjà, ce qui rebute, c'est la jouabilité, hein, plus que tout autre dans le jeu. Mais. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il te faut ouais. une dizaine d'heures pour comprendre la maniabilité du jeu. Bah ouais. Alors qu'en fait, il se finit en 6 heures. Donc, ouais, il y a un petit problème, en fait. C'est ça, le problème du jeu. Mais c'est une technique pour allonger la durée de c'est vie. Ça, c'est ça. Ouais, il faut préciser que c'est un jeu Platinum Games. C'est un peu... bon, bah... Des fois, il faut vraiment apprivoiser le jouer... Ouais, non, mais le problème, surtout, c'est ce gameplay asymétrique, là, la mablette de la Wii U. De toute façon, dès le départ, c'était un truc qui n'allait pas marcher, donc... ils ont vraiment voulu se servir de ça et au final tu sais plus s'il faut que tu regardes ta mablette, l'écran de la télé, ta mablette, ça t'es tout le temps comme ça, tu topes un torticolis, enfin c'est pas bah, ça te coupe le cerveau en deux, mais ouais, c'est ça. Pour moi je l'ai vu comme un challenge hein, vraiment hein, j'ai pas baissé les bras. OK, bah toi tu recommandes Star Fox Zero bien que tout le monde ne le recommande pas. Ouais. C'est un choix. OK. Louis-Philippe, il nous restait aussi, tu avais mis un flop dans ta liste. Tu avais mis et là je le plus sois ce flop. Je le plus sois parce que là c'est peut-être le plus gros flop de l'année chez Nintendo à part Mitomo. Ma déception. Voilà, à part Mitomo, c'était le plus gros flop de l'année chez Nintendo, donc c'est Zelda Triforce Heroes. Ah oui, mais alors là, c'est... Sur 3DS, voilà, on rappelle. C'est sur 3DS, donc multi pour jouer à 3. Enfin, c'est le gameplay basé dessus, puisque ça va être entièrement de la coopération. Mais finalement, c'est une succession de niveaux. C'est, voilà, on a un hall central, et chaque fois, on a été porté dans un donjon, on résout les énigmes qui sont en 3 ou 4 parties, et puis voilà, c'est comme ça. Je m'attendais plus à un jeu comme les Force World Adventures qui étaient sortis sur GameCube. Bah c'était ça, et un là, peu, c'était ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire une suite un peu spirituelle à ce jeu-là, mais ça marche pas. Mais là, ça marche pas du tout, justement, parce que c'est qu'une succession de donjons. Dans Force World, il y avait quand même un côté aventure-exploration, et puis compétitif aussi. Là, c'est entièrement en fait, c'est un puzzle game, en fait. Là, c'est un puzzle game dans Zelda, et en là, plus, les puzzles sont pas terribles. Il y avait au moins un côté compétitif où tu ramassais tes rubis, tu pouvais à la fin voter pour savoir qui était le boulet, et ça, c'est vrai, hein, c'est un vrai truc. C'est qui est le boulet. Il manque un truc. C'est vraiment la déception de l'année. Il est pas top. Ouais, mais la cible de Triforce Heroes, il faut se dire que c'est des gamins en école primaire. Ouais, mais même en fait, c'est un jeu en fait pour jouer en coop, mais normalement, le Force War, tu pouvais jouer en solo, t'arrives à te débrouiller quand même. Là, t'essaies d'y jouer en solo, ça marche pas du tout. Tu joues en solo, c'est une grosse gymnastique sur la jouabilité. Ah, l'IA en plus des trucs qui sont pétés, enfin c'est très mauvais jeu, très très mauvais jeu. Bref, on continue. Moi, mon GOTY de l'année, je le dis, je le répète, et j'adore ce jeu. C'est Darkest Dungeon. Donc, un jeu indé sorti fin de l'année, donc qui a été en early access pendant longtemps, presque 2 ans, et qui est sorti donc là, début de l'année, janvier, décembre ou janvier, quelque chose comme ça, en version finale, qui est une sorte de comment on va dire ça, c'est un roguelite, dungeon crawler, vue 2D avec des animations cheloues. J'en ai déjà parlé, je crois que c'est dans le podcast 1 ou 2 que je l'ai recommandé. Ouais. Donc je le conseille encore, ça reste mon GOTY, ça fait 6 mois que j'y joue, je l'ai toujours pas lâché, il y a tellement de choses à faire dans le jeu, écoutez ma recommandation, j'en parle plus longuement, voilà, voilà, Darkest Dungeon. Et on va finir rapidement, parce qu'on est à la bourre, rapidement, Gilles, t'avais mis le jeu gratos sympa, Emily oui, the Way, rapidement, on en parle très très rapidement, s'il te plaît. Alors, Emily the Way, bah, c'est ça. C'est un jeu qui est gratuit, vous pouvez le trouver sur Steam, si vous avez un compte Steam. Il dure 40 minutes, il est découpé en 5 petits chapitres, on suit, c'est une sorte de visual novel. Visual novel. Et donc, en fait, c'est une messagerie, c'est les vieilles messageries des années 2000 Windows, quoi. Donc, il y a, voilà. Et en fait, on va chatter messenger. Avec... Exactement, ouais. Et on suit en fait donc une relation, on chatte, on se crée un petit compte avec une fille qui s'appelle Emily et 5 chapitres qui font 5 années, donc ça commence, donc c'est aux États-Unis, donc ça commence la dernière année de lycée et après ça suit après en fac sur 5 ans. D'accord. Et en fait, suivant comment on chatte, donc il faut choisir, il y a à chaque fois 3 choix de réponse. Il faut réussir à pécho, quoi, c'est ça. Alors, ça joue un peu ou ne pas d'ailleurs. Et l'avantage, c'est que qu'on soit un gars ou une fille, parce que j'ai fait du roleplay un peu un moment pour le refaire, en me disant je vais faire comme si j'étais une fille pour voir si ça fonctionne. Et ça, tout marche en fait, toutes les relations fonctionnent, qu'on soit une fille ou un garçon. Donc ça, c'est bien. Et donc voilà, et donc on suit cette aventure avec elle. Et c'est un jeu très qui rappellera peut-être pas mal de souvenirs à ceux qui ont chatté à cette époque-là. C'est assez mélancolique, c'est assez intelligent, c'est très court, c'est pas un grand jeu, mais c'est vraiment c'est un gars qui a fait ça tout seul. C'est une très jolie expérience qui, voilà, 40 minutes, gratuite, franchement, voilà, à faire. Et Elder qui nous met C'est quoi en anglais? Alors, c'est qu'en anglais pour le coup, et le petit truc qui est drôle, mais qui aurait pu saouler si le jeu avait duré 5 heures, c'est que quand on choisit une réponse, après il faut taper sur son clavier, même n'importe quoi, pour que ça s'affiche. Et des fois, d'accord, le gars justement va corriger les choses parce qu'il veut pas tout dire, donc c'est assez amusant. Bon, ça aurait duré 10 heures de tape sur le clavier, ça aurait été pénible, mais en 40 minutes, c'est vraiment. Ah, il y a des jeux comme ça, des jeux ça s'appelle Typing Game. Des jeux, voilà. Ok, bah merci à toi. Bah, moi je vais le faire, ça a l'air sympatoche ce petit jeu, Emily Zoé, donc c'est gratuit sur Steam. Voilà, c'était le podcast numéro 9. Ça y est, c'est les vacances! C'est les vacances, on part à la plage! En fait, pas du tout. Pas du tout. J'en profite aussi voilà, à la fin de cette première saison pour faire un gros bisou à mon Happy Meal, à Thomas. Sans qui je ne pourrais pas faire tout ce podcast qui m'aide bien mon célèbre bras droit. Un gros merci à Michael Newton, à Iris, à Elodie, à tout le bureau de l'assaut, à Robin. Un bon anniversaire à Julien Thierry aussi. Un bon anniversaire à Julien. Et oui, bon anniversaire Julien. Et oui, il a bientôt 30 ans cet homme. Oh là là. Donc je vous fais tous des gros bisous comme je vous ai dit au début du podcast. Peut-être qu'au mois de juillet. On fera quelque chose, ça va dépendre. Pour tout vous dire, je vous raconte ma vie, pour tout vous dire, ça va dépendre si j'ai un appart ou pas. Voilà. T'es encore dans la rue. C'est ça, parce que pour l'instant, je suis à la rue. je fais le micro, je fais le podcast sous la pluie chez moi, c'est pour ça. C'est pour ça. Bref, en tout cas, je remercie aussi tous ceux qui sont venus participer au podcast depuis qu'on a lancé fin décembre, en fait. On a pour faire un petit point sur cette saison 1. On a lancé ça en fin décembre et je dois l'avouer, on est très content de ce que ça donne pour l'instant. Donc voilà, je remercie tous ceux qui sont venus, je remercie vous trois qui êtes là, je remercie Alex, je remercie Aline, je remercie Elodie, je remercie Iris, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont venus, ouais, Yannick, Iris, bref, des gros bisous à tous. On espère vous revoir très bientôt pour la saison 2 du podcast. Promis, on va essayer d'améliorer ça, il y a pas mal de trucs à améliorer, notamment niveau technique. Hein. Et je vous fais tous des gros bisous, et puis je vous dis à fin août, au pire du pire, fin août. Voilà, des gros bisous à tous. Salut, salut! Ciao, ciao, ciao.